Chapitre 4e. Leçon du château de Courcy. C'était le 1er juillet que se célébrait l'anniversaire de la naissance du jeune Frank Gresham, et la saison de Londres n'était pas encore finie. Cependant, Lady de Courcy avait daigné venir à la campagne pour fêter la majorité du jeune héritier, amenant avec elle ses filles, les ladies Amelia, Rosina, Margaretha et Alexandrina, ainsi que ses fils, les honorables John et George. Lady Arabella avait trouvé moyen d'aller passer à Londres 10 semaines, 10 semaines qui, plus ou moins prolongées, pouvaient à la rigueur faire la saison tout entière. Elle avait aussi réussi à renouveler l'ameublement du salon de Portman Square. Pour ce voyage à la capitale, son prétexte avait été de conduire Augusta au dentiste. Les dents des jeunes personnes jouent souvent un grand rôle dans ces cas-là, et ayant reçu l'autorisation d'acheter un nouveau tapis, dont la nécessité se faisait réellement sentir, elle avait si bien profité de la permission que le compte du tapissier s'était élevé à 600 ou 700 livres sterling. Il va sans dire qu'elle avait eu sa voiture et ses chevaux, que les jeunes filles avaient été dans le monde, enfin qu'il avait été indispensable de recevoir quelques amis à Portman Square, de sorte que les 10 semaines s'étaient écoulées d'une manière aussi agréable que coûteuse. Un moment avant le dîner, Lady de Courcy et sa belle-sœur étaient assises dans le cabinet de toilette de cette dernière, s'entretenant de l'absurdité du Squire, qui s'était exprimé avec plus d'amertume que d'habitude sur la folie – il s'était probablement servi d'un mot plus énergique que celui-là – de ses séjours continuels à Londres. « En vérité, dit la comtesse avec animation, que peut-il exiger? Que désire-t-il que vous fassiez? Il voudrait vendre la maison de Londres et nous ensevelir à tout jamais ici. Et notez bien que je ne suis resté à Londres que 10 semaines. À peine le temps nécessaire pour faire arranger convenablement les dents de vos filles. Mais enfin, Arabella, que dit-il? » Lady de Courcy était très désireuse de connaître l'exacte vérité et de s'assurer si M. Gresham était réellement aussi pauvre qu'il le disait. « Mais, reprit Lady Arabella, il disait hier qu'il ne voulait pas qu'on allât à Londres, qu'il était à peine en état de tenir maison ici et qu'il ne voulait pas... Qu'il ne voulait pas quoi? Ruiner entièrement le pauvre Frank. Ruiner Frank? Voilà ce qu'il a dit. Mais Arabella, ses affaires ne sont assurément pas aussi embarrassées que cela. Pourquoi aurait-il des dettes? Il parle toujours de ses élections. Mais, ma chère, la vente de Boxall Hill a couvert tout cela. Naturellement, Frank n'aura pas le revenu qu'avait M. Gresham quand il vous a épousé. Nous savons tous cela. Et à qui en est-il redevable, si ce n'est à son père? Mais enfin, Boxall Hill a payé toutes ses dettes, pourquoi donc serait-il dans l'embarras maintenant? Ah, ce sont ces affreux chiens, Rosina, dit Lady Arabella presque en pleurant. Pour ma part, je n'ai jamais approuvé l'établissement de la meute à Greshamsbury. Du moment qu'un homme a compromis une partie de sa fortune, il doit éviter toute dépense qui n'est pas strictement nécessaire. C'est un principe souverain dont M. Gresham aurait dû se souvenir. Je le lui ai même dit en ses propres termes. Mais M. Gresham n'a jamais reçu et ne recevra jamais poliment un conseil venant de moi. Je le sais, Rosina, il en a toujours été ainsi. Et cependant, que serait-il devenu sans les deux Courcy? Telle était l'exclamation que la reconnaissance arrachait à Lady Arabella. Mais à vrai dire, sans les deux Courcy, M. Gresham aurait pu être encore à cette époque le propriétaire de Boxall Hill et de toutes les terres qui en dépendaient. Non, reprit la comtesse. « Je n'ai jamais approuvé l'établissement de la meute à Greshamsbury. Cependant, les chiens ne peuvent pas voir tout manger. Avec 10 000 livres sterling de rente, un homme aurait dû pouvoir les nourrir, d'autant plus qu'il avait une souscription à cet effet. » « Il prétend que la souscription se montait à rien, ou à peu de choses. Quelle folie! Maintenant, Arabella, que fait-il de son argent? Voilà la question, joue-t-il? Mais... » dit Lady Arabella d'une voix lente. « Je ne le pense pas. » Si le squire jouait, il devait le faire très sournoisement, car il quittait rarement Greshamsbury. Et certes, parmi ceux qui fréquentaient Greshamsbury, on n'en remarquait guère qui ressemblaient à des joueurs. « Je ne crois pas qu'il joue, » dit Lady Arabella, en appuyant sur le mot « joue » comme pour donner à entendre que si son mari pouvait être charitablement absous de ce vice, il était certainement coupable de tous les autres. « Je sais qu'il a joué autrefois, » dit Lady de Courcy d'un air grave et soupçonneux. Elle avait des raisons toutes particulières pour détester ce triste penchant. Je sais qu'il a joué, et c'est un vice dont un homme se corrige rarement. Eh bien, s'il joue, je n'en sais absolument rien. Son argent doit cependant être employé d'une manière ou d'une autre, ma chère. Quelle excuse vous donne-t-il quand vous lui dites que vous avez besoin de ceci ou de cela, de toutes les choses en un mot auxquelles vous avez toujours été accoutumé? Il ne me donne aucune excuse. Quelquefois, il dit que la famille est bien nombreuse. Nonsens, les filles ne coûtent rien, il n'y a que Franck, et Franck ne peut encore avoir rien coûté. Se pourrait-il qu'il fît des économies pour acheter Boxall Hill? Oh non, dit vivement Lady Arabella. Il n'économise rien et n'économisera jamais rien, quoiqu'il soit si avare pour moi. Mais il a cours d'argent, pour cela j'en suis sûr. Mais alors qu'a-t-il fait de son argent? Dit la comtesse de Courcy d'un air sévère. Dieu seul le sait. Et maintenant qu'Augusta va se marier, il faut nécessairement que j'aie quelques centaines de livres. Vous auriez dû l'entendre gémir quand je le lui ai demandé. Dieu seul sait où passe son argent. Et l'épouse affligée porta son mouchoir de batiste brodé à ses yeux. J'endure toutes les souffrances et les privations de la femme d'un homme pauvre, continua-t-elle, mais sans en partager les consolations. Il n'a aucune confiance en moi, il ne me dit jamais rien, il ne me parle jamais de ses affaires. S'il en parle à quelqu'un, c'est à cet horrible docteur. Quoi, un docteur Thorne? La comtesse de Courcy haïssait le docteur d'une sainte haine. Oui, au docteur Thorne. Je crois qu'il est au courant de toutes les affaires de mon mari et qu'il lui donne son avis en toutes choses. Quels que soient les embarras du pauvre Gresham, je suis sûr que le docteur Thorne en est la cause, j'en suis sûr, Rosina. Cela est extraordinaire. Malgré tous ses défauts, M. Gresham est un gentleman, et pour ma part, je ne puis comprendre qu'il initie à ses affaires un vil apothicaire comme celui-là. Lord de Courcy n'a pas toujours été pour moi ce qu'il aurait dû être. Il s'en faut de beaucoup. Et Lady de Courcy remémora dans son esprit des torts d'une nature bien plus grave que ceux dont sa belle-sœur avait jamais eu à souffrir. Mais je n'ai jamais vu pareille chose au château. Humbleby est assurément au courant de tout, n'est-ce pas? Pas la moitié autant que le docteur. La comtesse hocha la tête. La pensée qu'un gentleman comme M. Gresham prenait pour confident un humble médecin de village portait un coup trop rude à ses nerfs. Il lui fallut un moment pour se remettre. Dans tous les cas, une chose est certaine, Arabella, reprit-elle, dès qu'elle se sentit assez calme pour offrir ses conseils d'une manière suffisamment dictatoriale. Une chose au moins est certaine, si M. Gresham est dans une position aussi embarrassée que vous le dites, Franck n'a devant lui qu'une seule ligne de conduite. Il faut qu'il fasse un mariage d'argent. L'héritier de 14 000 livres sterling de revenus peut se permettre de tenir uniquement à la naissance, comme l'a fait M. Gresham, hein, ma chère. Ceci entre nous n'était qu'un très petit compliment, attendu que Lady Arabella s'était toujours considérée comme une beauté. Ou à la beauté, comme le font quelques hommes, continua la comtesse en prenant au choix qu'avait fait son mari. Mais Franck doit faire un mariage d'argent. J'espère qu'il le comprendra de bonne heure. Faites-le lui comprendre avant qu'il fasse quelque folie. Quand un homme comprend bien ce qu'exige sa position, le devoir est pour lui chose facile. J'espère donc que Franck comprendra qu'il n'a pas d'autre alternative. Il faut dans sa position un mariage d'argent. Mais hélas, hélas, Franck Gresham, pour nous servir des paroles de sa tante, avait déjà fait une folie. « Je vous souhaite bien du bonheur, » dit l'honorable John à son cousin en lui frappant amicalement sur l'épaule, tandis qu'ils se rendaient ensemble avant le dîner aux écuries pour y voir un jeune chien courant qu'on avait ce jour-là envoyé à Franck. « Je voudrais bien être un fils aîné, mais nous ne pouvons pas tous avoir ce bonheur. » « Qui n'aimerait pas mieux être le plus jeune des fils d'un comte que le fils aîné d'un simple squire ?» dit Franck, qui désirait répondre poliment à la politesse de son cousin. « Pas moi, pour ma part. » dit l'honorable John. « Quelle chance me reste-t-il? Porlock est aussi fort qu'un cheval. Puis vient George. D'ailleurs, le gouverneur tiendra bon au moins pendant 20 ans encore. » Et le jeune homme soupira en songeant au peu de probabilité qu'il y avait que tous ceux qui lui tenaient de plus près par les liens du sang et de l'affection mourussent pour lui céder la place et le laisser jouir d'une couronne et d'une fortune de comte. « Vous êtes sûr de votre affaire, vous ? continua-t-il, et comme vous n'avez pas de frère, je suppose que le Squire vous laissera faire à peu près tout ce que vous voudrez. D'ailleurs, il n'est pas aussi robuste que mon gouverneur, quoiqu'il soit plus jeune. » Frank n'avait jamais envisagé sa position sous ce point de vue, et il était encore si novice dans la vie que la perspective dont lui parlait son cousin ne le charma que très médiocrement. Cependant, on lui avait toujours appris à regarder ses cousins de Courcy comme des hommes avec lesquels il lui serait très avantageux de rester intimement lié. Il ne témoigna donc aucun mécontentement et se borna à changer de conversation. « Vous joindrez-vous à la chasse du comté cet hiver, John ? J'espère que vous viendrez. Pour ma part, j'en serai. »« Mais je ne sais pas. La chasse se fait si pauvrement ici. Le pays est ou tout boisé ou tout cultivé. Je crois que j'irai plutôt dans le Leicestershire, dès que la chasse aux perdrix sera finie. Avec quels chevaux débuterez-vous, Frank ? » Frank rougit légèrement. « Oh, j'en aurai deux, » dit-il. La jument que j'ai depuis 2 ans et le cheval que mon père m'a donné ce matin. Comment ? Ces 2 chevaux seulement ? Mais la jument n'est qu'un poney. Elle mesure 15 pommes, dit Frank mortifié. Ma foi, Frank, je ne supporterai certainement pas cela, moi, dit l'honorable John. Quoi ? Chasser aux yeux de tout le comté avec un poney et un cheval non dressé ? Vous, l'héritier de Grishamsbury ? Je le ferai si bien dressé avant le mois de novembre qu'aucun obstacle ne l'arrêtera. Pierre dit, Pierre était le groom en chef de Grishamsbury, qu'il lève admirablement les jambes de derrière. Mais qui diable s'imaginera d'aller à la chasse avec un cheval et même 2 ? Si vous tenez absolument à appeler le vieux poney un cheval de chasse. Écoutez-moi bien, mon garçon. Si vous supportez cela, vous supporterez n'importe quoi. Et si vous ne désirez pas être tenu en lisière toute votre vie, le moment est venu de le prouver. Voilà le jeune Baker. Vous connaissez Harry Baker. Il a eu 21 ans l'année dernière et il a les plus beaux chevaux qu'on puisse voir. 4 chevaux de chasse et 1 cheval de fatigue. Or, si le vieux Baker a 4 000 livres sterling de rente, c'est le bout du monde. Cela était vrai. Et Frank Gresham, qui le matin même avait éprouvé tant de joie du présent de son père, commença à trouver qu'il avait fait à peine assez pour lui. Monsieur Baker n'avait en effet que 4 000 livres de revenus. Mais il était vrai aussi qu'il n'avait pas d'autre enfant que Harry, qu'il n'avait pas à soutenir un grand train de maison, qu'il ne devait 1 shilling à personne, et enfin, qu'il y avait folie de sa part à encourager un jeune homme, à peine sorti du collège, à s'accorder toutes les fantaisies d'un homme riche. Néanmoins, Frank ne put s'empêcher, dans le premier moment, de penser qu'il n'était pas traité comme l'exigeait sa position. « Ayez-y la main, Frank, » dit l'honorable John, en voyant l'impression qu'il avait produite. « Votre père sait fort bien que vous ne vous contenterez pas de 2 chevaux. »« Bonté divine ! J'ai entendu dire que lorsqu'il épousa ma tante, et il avait alors à peu près votre âge, il avait le plus beau haras du comté, puis il était déjà membre du Parlement avant d'avoir 23 ans. »« Vous savez qu'il perdit son père lorsqu'il était encore très jeune. »« Oui, je le sais. C'est une bonne chance qu'il n'ait pas le partage de tout le monde, mais... » À ces mots, le visage de Frank s'assombrit. Tant que son cousin lui parlait de la nécessité d'avoir plus de 2 chevaux, il pouvait l'écouter avec patience. Mais quand ce digne conseiller lui parla de la mort d'un père comme d'une bonne chance, Frank se sentit trop indigné pour pouvoir feindre de l'indifférence. Frank avait pour son père une vive et profonde tendresse. Il aimait à se trouver avec lui, et il eût été heureux et fier d'être le confident de ses peines, car il voyait bien qu'il en avait, quoiqu'il fît tous ses efforts pour ne pas paraître triste devant son fils. Comment aurait-il pu écouter avec calme son cousin quand celui-ci lui parlait de la possibilité de la mort de son père comme d'une bonne chance ? Je ne le considérerai pas comme une bonne chance, John, mais bien comme le plus grand malheur qui puisse m'arriver. Il est si difficile à un jeune homme d'énoncer une sentence morale ou même d'exprimer simplement un bon sentiment sans se donner un air ridicule. « Oh, naturellement, mon cher, » dit l'honorable John en riant, « cela va sans dire, tout le monde comprend cela, et Porlock penserait de même. Mais si notre gouverneur venait à mourir, je crois que Porlock se consolerait avec ses 30 000 livres sterling par an. » « Je ne sais pas ce que Porlock ferait, je sais seulement qu'il se querelle toujours avec mon oncle. Je n'ai voulu parler que de moi, Je ne me suis jamais querellé avec mon père et j'espère bien n'en venir jamais là. Très bien, ma bonne patte de garçon, très bien. Il est probable que vous ne serez jamais mis à l'épreuve. Mais s'il en est autrement, 6 mois après, vous feriez ce qu'a fait le jeune Heatherley. Vous connaissez Heatherley ? Non, je ne l'ai jamais vu. Il est maintenant Sir Frédéric. Et pour un membre de la Chambre des communes, il possède, ou plutôt il a possédé, une des plus belles fortunes d'Angleterre, car il en a mangé la plus grande partie. Il était à Paris lorsqu'il apprit la mort de son père, mais il partit en toute hâte pour Heatherley, où il arriva juste à temps pour les funérailles. En revenant à la maison, au retour de l'église, il vit les entrepreneurs des pompes funèbres qui plaçaient au-dessus de la grande porte d'entrée l'écusson de deuil de la famille, et il remarqua qu'ils avaient crié au-dessous « Resurgam, vous savez ce que cela veut dire ?»« Oui. »« Je reviendrai, » dit l'honorable John, traduisant le latin pour l'édification de son cousin. « Non, » se dit Frédéric Heatherley en regardant l'écusson. « Cela serait une mauvaise plaisanterie, et j'aurais soin de l'empêcher. » Il se leva donc pendant la nuit et prit avec lui quelques hommes. Ils grimpèrent jusqu'à l'écusson, effacèrent Resurgam et écrivirent à la place « Requiescat in pace », ce qui veut dire, comme vous le savez, « vous ferez mieux de rester où vous êtes ». Voilà ce que j'appelle un bon tour. Il est authentique, je puis vous le certifier. Frank ne put s'empêcher de rire de cette histoire et surtout de la façon dont son cousin traduisait le latin de l'entrepreneur des pompes funèbres. Ils sortirent enfin des écuries et allèrent s'habiller pour le dîner. Le docteur Thorne, sur la demande que lui avait faite M. Gresham, était venu au château un peu avant le dîner et il se trouvait en ce moment avec le squire dans le cabinet de ce dernier tandis que Mary causait en haut avec les jeunes filles. « Il faut que j'aie 10 000 ou 12 000 livres sterling, 10 000 pour le moins, » dit le squire qui était assis dans son fauteuil près de la table, la tête appuyée sur une de ses mains, et ne ressemble en rien moins qu'au père d'un héritier dont on célébrait ce jour-là même la majorité. Quoiqu'il n'y eût pas de feu dans l'âtre, le docteur ne s'en tenait pas moins debout le dos tourné à la cheminée, les pans de son habit relevés sur ses bras, comme s'il eût été occupé à causer et à rôtir tout à la fois, ainsi qu'il le faisait souvent en hiver. « 12 000 livres sterling, c'est une bien grande somme. J'ai dit 10. 10 000 livres, c'est aussi une grande somme. Il n'y a pas de doute que Scatcherd vous les donnera, mais je suis sûr qu'il exigera les titres de la propriété. Comment ? Pour 12 000 livres ? S'écria le squire. Il n'y a pas une seule dette sur la propriété, excepté la sienne et celle d'Armstrong. Mais la sienne est déjà très forte. Celle d'Armstrong n'est rien, 24 000 livres environ. Oui, mais il vient en première hypothèque, monsieur Gresham. Eh bien, qu'est-ce que cela fait ? À vous entendre parler, on croira qu'il ne reste plus rien à Greshamsbury. « Qu'est-ce que 24 000 livres sterling ? Scatcherd connaît-il le chiffre des revenus de la propriété ?»« Ah, il le connaît assez. Je voudrais bien qu'il ne le connût pas. »« Alors pourquoi être si exigeant pour quelques milliers de livres ? Les titres, en vérité ?»« Il désire avoir une garantie suffisante pour l'argent qu'il vous a déjà avancé, avant de vous en avancer davantage. »« Plutôt ciel que vous n'eussiez plus besoin d'emprunter. »« Je croyais que les affaires avaient été définitivement arrangées l'année dernière. » « Oh, s'il y a tant de difficultés, Humbleby me procurera bien cet argent. »« Oui, et qu'aurez-vous à payer pour l'avoir ?»« Je préfère payer le double, à m'entendre parler de cette manière, » dit le squire d'un ton irrité. Et se levant précipitamment, il mit les mains dans ses poches, s'avança d'un air agité vers la fenêtre, puis revint se jeter dans son fauteuil. « Il y a des choses qu'un homme est incapable de supporter, docteur. » dit-il en frappant du pied. « Dieu sait si je devrais être patient maintenant, car je suis destiné à supporter bon nombre de choses pareilles. Vous feriez mieux de dire à Scatcherd que je lui suis obligé de son offre, mais que je ne le dérangerai pas. » Pendant ce petit orage, le docteur était resté tranquille, le dos toujours tourné à la cheminée. Mais quoiqu'il ne dît rien, son visage parlait pour lui. Il était profondément affligé de voir que le squire avait encore besoin d'argent, et il regrettait que ce besoin le rendît si injuste et si brusque. M. Gresham l'avait, pour ainsi dire, provoqué, mais comme il était décidé à ne pas se quereller avec lui, il s'abstint de lui répondre. Le squire garda aussi le silence pendant quelques minutes, mais le don de savoir se taire ne faisait pas partie de ses qualités. Pauvre Frank, reprit-il, je pourrais encore en prendre mon parti si ce n'était pour le tort que je lui ai fait, pauvre Frank. » Le docteur fit quelques pas en avant et posant doucement une main sur l'épaule du squire. « Frank saura très bien se tirer d'affaire, dit-il. Il n'est pas absolument nécessaire qu'un homme ait 14 000 livres sterling par an pour être heureux. Mon père m'a laissé cette propriété intacte, et je devrais la laisser intacte à mon fils. Mais vous ne comprenez pas cela, vous. » Le docteur comprenait parfaitement. C'était au contraire le squire qui ne comprenait pas le docteur, quoiqu'il le connût depuis longtemps. « Je voudrais que cela vous fût possible, monsieur Gresham. Vous auriez alors l'esprit tranquille. Mais cela ne se peut pas. Donc, je vous le répète, Frank saura se tirer d'affaire, quoiqu'il ne doive pas hériter de 14 000 livres sterling par an. Je voudrais vous entendre faire le même raisonnement. » « Oh, vous ne comprenez pas, » répéta le squire. « Vous ne savez pas ce qu'un homme éprouve quand il... »« Mais il est inutile de vous ennuyer d'une chose qu'on ne peut réparer. Je voudrais bien savoir si Humble Bay est ici. » Le docteur avait repris sa position près de la cheminée. « Vous n'avez pas vu Humble Bay en venant ?» lui demanda le squire. « Non. Et si vous voulez suivre mon conseil, vous ne lui parlerez pas à présent, du moins pas à propos de cet argent. » « Je vous dis qu'il faut que je l'aie de quelqu'un. Vous dites que Scatcherd ne veut pas me le donner. » « Non, monsieur Gresham, je n'ai pas dit cela. » « Ce que vous avez dit revient au même. Augusta se marie au mois de septembre, il me faut de l'argent. Je suis convenu de donner 6 000 livres à Moffat et il faut qu'il les ait en espèces. »« 6 000 livres, dit le docteur. « Je suppose bien que ce n'est pas trop pour votre fille. Mais 5 × 6 font 30. » Et 30 000 livres sterling sont une grosse somme. » Le squire se dit que ses autres filles n'étaient guère encore que des enfants, et que le souci de pourvoir à leur établissement pouvait être remis à plus tard. À chaque jour suffit sa peine. « Ce Moffat est un homme avide et rapace, dit-il, mais je suppose qu'Augusta l'aime, et quant à la fortune, c'est un bon mariage. » Si Miss Gresham l'aime, c'est l'essentiel. « Je ne suis pas précisément amoureux de lui, moi. Il est vrai que je ne suis pas une jeune fille. » »« Les de Courcy l'aiment beaucoup. Lady de Courcy dit que c'est un parfait gentleman, fort estimé à Londres. » »« Oh, si Lady de Courcy dit cela, il n'y a rien à répliquer. » dit le docteur d'un ton froid et sardonique qui fut entièrement perdu pour le squire. Monsieur Gresham n'aimait aucun des de Courcy, et Lady de Courcy encore moins que les autres. Mais il n'était pas indifférent à l'honneur d'être allié de près à un comte et à une comtesse, et quand il désirait soutenir la grandeur de sa famille, il se laissait quelquefois aller à parler de celle des de Courcy. Ce n'était qu'en discutant avec sa femme qu'il rabaissait invariablement les prétentions de ses nobles parents. Après un moment de silence, le docteur remit sur le tapis le sujet qu'il avait amené dans le cabinet du squire et lui fit observer que, puisque Scatcherd était maintenant dans le pays, il ne dit pas à Boxall Hill, de crainte de blesser les oreilles chatouilleuses de M. Gresham, il ferait peut-être mieux, lui, le docteur, d'aller le trouver et de voir comment on pourrait s'arranger avec lui. « Il n'y avait aucun doute, ajouta-t-il, que Scatcherd prêterait la somme nécessaire, un intérêt moins élevé que celui qu'on aura payé pour l'argent que Humbleby se chargerait de procurer. « Très bien, dit le squire. Je vous laisse le soin de cette affaire. Je crois que 10 000 livres suffiront. Maintenant, je vais m'habiller pour le dîner. » Le docteur sortit. Le lecteur supposera peut-être que le docteur Thorne avait quelque intérêt pécuniaire à négocier les emprunts du squire, ou du moins que celui-ci se l'imaginait. Loin de là, ce que le docteur en faisait n'était que par pure amitié, et le squire le savait bien. Mais le squire de Greshamsbury était un grand personnage à Greshamsbury. Il lui importait de maintenir sa dignité en discutant ses affaires avec le médecin du village. C'était au moins là ce qu'il avait retiré de ses relations avec les de Courcy. Et le docteur, fier, arrogant, opiniâtre comme il l'était, pourquoi supportait-il d'être traité ainsi? Parce qu'il comprenait que dans sa lutte pénible contre les dettes et la pauvreté, le squire de Greshamsbury avait besoin d'indulgence et que sa faiblesse exigeait des égards. Si M. Gresham se fût trouvé dans des circonstances moins difficiles, le docteur n'aurait pas supporté aussi placidement ses boutades. Le docteur aimait le squire. Il l'aimait comme son plus cher, son plus ancien ami. Mais il l'aimait 10 fois mieux dans l'adversité que dans la prospérité. Tandis que tout cela se passait dans le cabinet du squire, Mary Thorne était assise avec Béatrice Gresham dans l'ancienne chambre d'études, transformée alors en salon à l'usage des jeunes filles. Mary connaissait bien le chemin de ce sanctuaire et elle y monta sans hésiter quand son oncle la quitta pour se rendre auprès du squire. En entrant dans la chambre, elle vit qu'Augusta et Lady Alexandrina y étaient aussi et elle s'arrêta un instant sur le seuil de la porte. « Entrez, Mary, » dit Béatrice. « Vous connaissez ma cousine Alexandrina ?» Après avoir touché la main à ses deux amies, Mary salua Lady Alexandrina, qui daigna lui tendre sa noble main et toucher le bout des doigts de Miss Thorne. Béatrice était l'amie particulière de Mary, et leur intimité avait donné lieu à bien des craintes de la part de Lady Arabella. Mais Béatrice, malgré ses imperfections, avait un cœur sincère, et elle persistait à aimer Mary, en dépit des insinuations de sa mère sur l'inconvenance d'une semblable intimité. Quant à Augusta, elle n'avait non plus aucune répugnance à se trouver dans la société de Miss Thorne. C'était une fille pleine de raison et une vraie de Courcy pour l'arrogance. Mais elle était tout aussi disposée à tenir tête à sa mère qu'à toute autre personne. C'était la seule de la famille à qui Lady Arabella témoigna beaucoup d'égards. Elle allait épouser un homme riche, et c'était la comtesse, sa tante, qui lui avait choisi cet époux. Elle ne prétendait pas, elle n'avait jamais prétendu aimer M. Moffat, mais elle comprenait, disait-elle, que vu l'état des affaires de son père, un pareil mariage était avantageux. M. Moffat était un jeune homme très riche, membre du Parlement, entendu aux affaires et recommandable sous tous les rapports. Il était sans doute à regretter que sa naissance ne fût pas telle qu'on eût pu le désirer. En admettant cela, Augusta n'allait pourtant pas jusqu'à avouer qu'il était le fils d'un tailleur. Il était à regretter, disait-elle, que sa naissance laissa à désirer. Mais dans le présent état de choses, Augusta comprenait qu'il était de son devoir de faire abstraction de ses propres sentiments. M. Moffat apporterait la fortune, elle apporterait la naissance, et comme elle le disait, son cœur battait d'une noble fierté à la pensée qu'elle contribuerait par cet apport autant que son mari à la future prospérité de la communauté. C'est dans ces termes que Miss Gresham parlait de son mariage à ses chers amis, à ses cousines de Courcy par exemple, à Miss Auriel, à sa sœur Béatrice et même à Mary Thorne. Elle n'éprouvait aucun enthousiasme, elle en convenait. Mais elle croyait faire preuve de jugement en acceptant la main de M. Moffat, bien qu'elle ne prétendît à aucune affection romanesque. Cela dit, elle s'était mise à l'œuvre avec une satisfaction intérieure peu médiocre, choisissant des meubles, des voitures, un trousseau, non avec la folle prodigalité connue de sa mère, ni en se conformant scrupuleusement aux lois de la dernière mode, comme l'eût fait sa tante, encore moins avec la joie enfantine qu'eût éprouvée Béatrice en pareil cas, mais avec un jugement sain, un esprit posé, réfléchi. Elle acheta des objets de prix, car son futur époux était riche, et elle avait l'intention de profiter de sa richesse. Elle acheta des choses qui étaient à la mode, car elle se proposait de vivre dans le monde fashionable, mais surtout elle acheta des choses qui étaient bonnes et durables, des choses en un mot qui valaient bien l'argent. Augusta Gresham s'était aperçue de bonne heure qu'elle ne pouvait obtenir de succès ni par sa fortune, ni par sa beauté, et qu'elle pouvait encore moins briller par son esprit. Se repliant donc sur les qualités qu'elle possédait, elle avait résolu de conquérir dans le monde la place d'une femme de bon sens et utile. Ce qui lui appartenait en propre, c'était la naissance. Avec cela, elle ferait tout ce qui dépendait d'elle pour en rehausser la valeur. Si elle n'eût pas possédé la naissance en partage, elle eût regardé la naissance comme la plus creuse vanité. Quand Mary entra dans la chambre, les jeunes filles s'entretenaient des préparatifs du mariage. Il s'agissait de nommer les demoiselles d'honneur de la mariée, de discuter la toilette et d'envoyer les billets d'invitation. Si pleine de raison que fût Augusta, ses soins minutieux n'étaient point au-dessous d'elle. Au contraire, elle tenait essentiellement à ce que les fêtes de son mariage ne laissassent rien à désirer. Elle était un peu honteuse de son fils de tailleur et désirait par conséquent que les choses se fissent d'une manière aussi brillante que possible. Les noms des demoiselles d'honneur venaient justement d'être inscrits sur une carte. Celles des ladies Amelia, Rosina, Margarita et Alexandrina figuraient naturellement en tête de la liste. Puis venaient Béatrice et les deux sœurs jumelles, puis Miss Auriel, qui, bien que sœur d'un simple ecclésiastique, était une personne riche et bien née. Cela fait, on avait discuté pour savoir si l'on s'en tiendrait à ce nombre. Dans le cas contraire, il fallait en nommer deux autres afin de conserver un nombre pair. Or, Miss Moffat avait témoigné ouvertement le désir d'être admise au nombre des demoiselles d'honneur, et quoique Augusta se fût volontiers passée d'elle, elle ne savait en vérité comment refuser. Lady Alexandrina fut sourde à une requête aussi déraisonnable. « Aucun de nous ne la connaît, » dit-elle. « Ce serait excessivement désagréable. » Béatrice plaida énergiquement la cause de la future belle-sœur. Elle avait ses raisons pour agir ainsi. Elle était peinée de voir que Mary Thorne ne fût pas portée sur la liste, et elle espérait que si Miss Moffat était acceptée, Mary le serait aussi. « Si vous avez Miss Moffat, » dit Alexandrina, « vous serez obligé d'avoir aussi la petite Poussy, et je la trouve vraiment trop jeune. Elle serait très embarrassante. » Poussy était la plus jeune des demoiselles Gresham. Elle n'avait alors que 8 ans, et son véritable nom était Nina. « Augusta, » dit Béatrice avec une légère hésitation, car la présence de sa noble cousine l'intimidait un peu, « si vous avez Miss Moffat, cela vous contrarierait-il de lui adjoindre Mary Thorne ?» « Je crois que cela ferait plaisir à Mary, car Patience Auriel est du nombre des demoiselles d'honneur et nous connaissons Mary depuis bien plus longtemps que Patience. » Mais Lady Alexandrina se prononça formellement. « Chère Béatrice, si vous réfléchissez sérieusement à ce que vous demandez, je suis sûre que vous en reconnaîtrez l'impossibilité. Miss Thorne est une charmante fille, j'en suis persuadée, et le peu que j'ai vu d'elle me confirme dans cette opinion. Mais après tout, qui est-elle? Maman, je le sais, trouve que ma tante Arabella a eu tort de lui permettre de venir aussi souvent, mais... » Béatrice rougit, et en dépit de l'air digne de sa cousine, elle se préparait à défendre son amie lorsque Lady Alexandrina ajouta « Rappelez-vous que je ne vous dis pas un mot contre Miss Thorne. Si je me marie avant elle, elle sera une de mes demoiselles d'honneur, » dit Béatrice. « Cela dépendra probablement des circonstances, » reprit Alexandrina. Mais Augusta se trouve dans une position toute particulière. Monsieur Moffat, comme vous le savez, n'est pas d'une famille très distinguée. Il est donc important qu'elle veille à ce que toutes les personnes qui l'entourent, elles, soient bien nées. Alors vous ne pouvez pas avoir Miss Moffat, dit Béatrice. Non, je ne le voudrais pas, si cela dépendait de moi, dit la cousine. Mais les Thorne sont d'une aussi bonne famille que les Gresham, dit Béatrice. Elle n'avait pas assez de courage pour dire « aussi bonne que les deux Courcy ». Il se peut, et s'il s'agissait de Miss Thorne d'Eula Thorne, Augusta n'hésiterait probablement pas. Mais pouvez-vous me dire ce qu'est Mary Thorne? C'est la nièce du docteur Thorne. Vous voulez dire qu'on l'appelle sa nièce. Mais savez-vous qui étaient son père et sa mère? Pour ma part, j'avoue que je ne le sais pas. Je crois que maman le sait, mais... » Au même instant, la porte s'ouvrit doucement, et Mary entra dans la chambre. On conçoit l'embarras des trois jeunes filles. Toutefois, Lady Alexandrina se remit presque aussitôt, et grâce à sa présence d'esprit et à l'extrême aisance de ses manières, elle sut se tirer de ce mauvais pas. « Nous parlions du mariage de Miss Gresham, » dit-elle. « Je crois pouvoir, sans indiscrétion, annoncer à une connaissance aussi ancienne que la Maythorne que le mariage est fixé au 1er septembre. » Miss Gresham, une ancienne connaissance. Mais Mary et Augusta avaient passé ensemble pendant nombre d'années leur matinée dans la même chambre d'études. Elles s'étaient querellées et embrassées tour à tour. En un mot, elles avaient été l'une pour l'autre sœurs de nom, sinon de fait. Ces mots d'ancienne connaissance chatouillèrent peu agréablement les oreilles de Béatrice, et Augusta elle-même en fut un peu confuse. Cependant, Mary savait que ces paroles étaient sorties de la bouche d'une de Courcy et non de celle d'une Gresham. Elle n'en conçut donc aucun ressentiment. « C'est donc fixé, Augusta, » dit-elle, « le 1er septembre. Je vous félicite de tout mon cœur. » et s'approchant d'Augusta, elle lui passa un bras autour du cou et l'embrassa affectueusement. Lady Alexandrina ne put s'empêcher de penser que la nièce du docteur s'exprimait et agissait comme elle l'eût fait avec une égale, ou comme si elle eût eu un père et une mère. « Vous aurez un temps délicieux, » continua Mary. « Septembre et le commencement d'octobre sont l'époque la plus délicieuse de l'année. Et c'est l'un de ces mois que je choisirais si je me disposais à passer ma lune de miel. »« Je voudrais que vous en fussiez là, Mary, » dit Béatrice. « Pas moi, ma chère. Du moins pas avant d'avoir trouvé un respectable mari pour ma lune. Dans tous les cas, je ne quitterai pas Greshamsbury avant de vous en avoir toutes vues partir. » « Et où irez-vous, Augusta ?»« Cela n'est pas encore décidé. Monsieur Moffat parle de Paris. » « Qui a jamais entendu parler d'aller à Paris au mois de septembre ?» dit Lady Alexandrina. « Ou qui a jamais entendu parler de Marie qui décide en pareil cas ?» dit Marie. « Il va sans dire que Monsieur Moffat ira où il vous plaira de le mener. » Lady Alexandrina n'était pas contente de voir que la nièce du docteur agissait, parlait et s'asseyait à Greshamsbury absolument comme si elle eût été l'égale des jeunes demoiselles de la famille. Que Béatrice le permît, cela ne la surprenait pas, mais on pouvait s'attendre à ce qu'Augusta montrât plus de jugement. Ces choses-là demandent un certain tact, une certaine délicatesse quand de grands intérêts sont en jeu, dit-elle. « Je conviens avec Miss Thorne que dans les circonstances ordinaires et entre gens ordinaires, une femme peut en cela suivre son désir, mais le rend à ses inconvénients, Miss Thorne, aussi bien que ses privilèges. »« Je ne refuserai pas les inconvénients, » dit la nièce du docteur, « car je présume bien qu'ils sont utiles à quelque chose. Quant aux privilèges, je serai, je crains, fort embarrassé de les apprécier. » Lady Alexandrina regarda Mary comme si elle n'eût pas été bien sûre qu'elle eût l'intention de dire une impertinence. À dire vrai, Lady Alexandrina éprouvait un vrai doute à cet égard. Il était presque impossible, il était de toute invraisemblance qu'une fille sans père, sans mère, la nièce d'un médecin, fût impertinente envers la fille d'un comte, et cela à Greshamsbury, attendu que cette fille de comte était la cousine des demoiselles Gresham. Et cependant, Lady Alexandrina ne savait comment interpréter autrement les paroles de Miss Thorne. Quoi qu'il en fût, il était clair qu'il ne convenait pas qu'elle restât plus longtemps dans cette chambre. Qu'elle eût ou non l'intention d'être impertinente, Miss Thorne avait pour le moins des manières excessivement libres. Les demoiselles de Courcy savaient ce qui leur était dû, et Lady Alexandrina se résolut à passer dans sa chambre à coucher. « Augusta, » dit-elle en se levant d'un air digne. « Il est bientôt temps de nous habiller. Voulez-vous venir avec moi ? Vous savez que nous avons encore beaucoup de choses à régler. » Il sortit de la chambre d'un pas majestueux. Augusta dit à Mary qu'elle la reverrait au dîner et suivit sa cousine en essayant d'imiter sa démarche imposante. Miss Gresham avait eu de grands avantages d'éducation, mais elle n'avait pas été entièrement élevée au château de Courcy. Elle n'avait donc pu se façonner qu'incomplètement aux grands airs de ses cousines. « Bien, » dit Mary, quand la porte se fut refermée sur le flou-flou des robes de mousseline. « Bien, je me suis fait une ennemie pour la vie, sinon deux. Oh, Mary, quand je combats pour vous en votre absence, pourquoi venez-vous détruire tout mon ouvrage en vous aliénant toute la famille de Courcy ? Car en pareil cas, ils seront tous contre vous. » « En pareil cas, oui, j'en suis bien sûr. » dit Mary. Mais reste à savoir s'ils seraient tous d'accord dans un cas d'amour et de charité. Mais pourquoi fâcher ma cousine, vous qui devriez montrer tant de jugement? Ne vous rappelez-vous pas ce que vous disiez l'autre jour sur la folie de vouloir combattre des prétentions que le monde sanctionne? Je me le rappelle, Tréchy, je me le rappelle. Mais ne me grondez pas maintenant. Il est beaucoup plus facile de prêcher que de pratiquer. Je voudrais tant être un prédicateur. « Mais, Mary, vous avez eu grand tort. »« Vraiment ?» dit Mary en s'agenouillant d'un air caressant aux pieds de son amie. « Mais si je m'humilie profondément, si je reste toute la soirée à genoux dans un coin de la chambre, cela ne suffira-t-il pas pour réparer ma faute ? Allons, s'il le faut, je ne me refuserai pas à faire pénitence sous le sac et la cendre, ni même à manger un peu de cendre, ou du moins je l'essaierai. »« Vous êtes très spirituelle, Mary, je le sais. » Mais tenez, je ne puis m'empêcher de vous trouver aussi un peu folle. » Oui, je suis folle, je le confesse, mais ne me grondez pas. Vous voyez comme je m'humilie. Il est possible que lorsque ces nobles personnages me verront à leurs pieds, ils n'exigeront pas que je m'humilie davantage. Mary, voyons, Trichy, vous ne me refuserez pourtant pas la liberté de parler franchement devant vous. Je ne sais pas ce qui me retient de vous donner un bon souffle, hein, Mary. Donnez, donnez, Trichy, ou embrassez-moi, comme vous voudrez. Je ne puis vous dire combien je suis contrarié, dit Béatrice. Je désirais arranger quelque chose et vous êtes venu vous jeter à la traverse. Que désiriez-vous arranger, Trichy ? Je voudrais que vous fussiez une des demoiselles d'honneur d'Augusta. Miséricorde, Béatrice, êtes-vous folle, vous aussi ? Quoi ? Me mettre sur le même rang que la noble lignée des deux Courcy, ne fût-ce que pendant une matinée ? Patience sera une des demoiselles d'honneur. Mais ce n'est pas une raison pour qu'impatience en soit une, si un pareil honneur m'impatienterait beaucoup. Non, Trichy, plaisanterie à part, n'y songez pas. Si Augusta elle-même me le demandait, je refuserais. Je serais obligé de refuser. Moi aussi j'ai de la fierté, fierté aussi impardonnable que celle des autres. Je ne voudrais pas figurer avec vos quatre cousines près de votre sœur à l'hôtel. Dans une pareille constellation, elles seraient les étoiles et moi. Mais Mary, tout le monde sait que vous êtes beaucoup plus jolie qu'aucune d'elles. Je suis la très humble servante de tout le monde. Mais Trichy, je serai aussi laide que le prophète voilé de Lalarouk, et elle aussi belle que Zuleika, la fiancée d'Abydos, que cela me serait égal. La gloire de ma constellation ne consistera pas dans la beauté, mais bien dans la noblesse de son origine. Vous savez comme vos cousines me regarderaient. Vous savez combien elles me mépriseraient à l'église devant l'autel. Il me serait impossible, eu égard à la solennité du lieu, de leur rendre le mépris comme je pourrais le faire ailleurs. » Et Mary s'abandonnait de réchef à ce sentiment d'indomptable orgueil, à cet antagonisme irréfléchi envers l'orgueil des autres, que dans ces moments de sang-froid, elle était la première à blâmer. Cependant, Mary, vous dites souvent qu'on devrait mépriser cette espèce d'arrogance et ne pas y faire attention. Il est vrai, Trichy. Je vous dis cela comme le pasteur vous dit de haïr les richesses, tout en étant désireux de s'enrichir lui-même. Je désire tout particulièrement que vous soyez une des demoiselles d'honneur d'Augusta. Et moi, je désire tout particulièrement refuser un honneur qui ne m'a pas été et ne me sera jamais proposé. Non, Trichy, je ne veux pas être la demoiselle d'honneur d'Augusta. Mais quoi, ma chérie ? Mais, Trichy, quand une autre personne se mariera, quand la nouvelle aile d'une certaine maison que vous connaissez sera achevée. Mary, taisez-vous ou je me fâcherai. J'aime tant à vous fâcher. Et quand ce moment sera arrivé, quand ce mariage aura lieu, alors, Trichy, je serai fille d'honneur. Oui, alors même que je ne serai pas invitée. Oui, dussent tous les deux Courcy de Barsetshire m'accabler de leur dédain. Quand je serai là, comme la poussière parmi les étoiles, devrais-je me glisser, vêtu de calicot, parmi leurs dentelles, leurs satins, je n'en serai pas moins là, tout près de la fiancée, afin de porter quelque chose pour elle, de toucher sa robe, de sentir que je suis près d'elle et jetant ses bras autour du cou de Béatrice, elle l'embrassa à plusieurs reprises. Nous ne répéterons pas ici les protestations de Béatrice contre la probabilité de l'événement auquel son amie faisait allusion. L'après-midi était avancé, et les jeunes filles avaient aussi à s'habiller pour le dîner, afin de faire honneur au jeune héritier.